Chapitre 3. Grand 2. Loi du travail. Ce chapitre regroupe deux titres seulement. Nécessité du travail, limite du travail, repos. Grand titre. Nécessité du travail. Repère 674. Question. La nécessité du travail est-elle une loi de la nature ? Réponse. Le travail est une loi de nature, par cela même qu'il est une nécessité, et la civilisation oblige l'homme à plus de travail, parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Repère 675, question. Ne doit-on entendre par le travail que les occupations matérielles ? Réponse. Non. L'esprit travaille comme le corps. Toute occupation utile est un travail. Repère 676, question. Pourquoi le travail est-il imposé à l'homme ? Réponse. C'est une conséquence de sa nature corporelle. C'est une expiation et en même temps un moyen de perfectionner son intelligence. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence. C'est pourquoi il doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être qu'à son travail et à son activité. À celui qui est trop faible de corps, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer. Mais c'est toujours un travail. Repère 677, question. Pourquoi la nature pourvoit-elle d'elle-même à tous les besoins des animaux ? Réponse. Tout travaille dans la nature. Les animaux travaillent comme toi, mais leur travail, comme leur intelligence, est borné aux soins de leur conservation. Voilà pourquoi, chez eux, ils n'amènent pas le progrès, tandis que chez l'homme, il y a un double but. La conservation du corps et le développement de la pensée qui est aussi un besoin. Et qu'il élève au-dessus de lui-même. Quand je dis que le travail des animaux est borné aux soins de leur conservation, j'entends le but qu'ils se proposent en travaillant. Mais ils sont, à leur insu, et tout en pourvoyant à leurs besoins matériels, des agents qui secondent les vues du Créateur. Et leur travail n'en concourt pas moins au but final de la nature, bien que, fort souvent, vous n'en découvriez pas le résultat immédiat. Repère. 678, question. Dans les mondes plus perfectionnés, l'homme est-il soumis à la même nécessité du travail ? Réponse. La nature du travail est relative à la nature des besoins. Moins les besoins sont matériels, moins le travail est matériel. Mais ne crois pas pour cela que l'homme reste inactif et inutile. L'oisiveté serait un supplice au lieu d'être un bienfait. Repère 679, question. L'homme qui possède des biens suffisants pour assurer son existence est-il affranchi de la loi du travail ? Réponse. Du travail matériel, peut-être, mais non de l'obligation de se rendre utile selon ses moyens, de perfectionner son intelligence ou celle des autres, ce qui est aussi un travail. Si l'homme à qui Dieu a départi des biens suffisants pour assurer son existence n'est pas contraint de se nourrir à la sueur de son front, l'obligation d'être utile à ses semblables est d'autant plus grande pour lui que la part qui lui est faite d'avance lui donne plus de loisirs pour faire le bien. Repère 680, question. N'y a-t-il pas des hommes qui sont dans l'impuissance de travailler à quoi que ce soit et dont l'existence est inutile ? Réponse. Dieu est juste. Il ne condamne que celui dont l'existence est volontairement inutile, car celui-là vit aux dépens du travail des autres. Il veut que chacun se rende utile selon ses facultés. Repère 681, question. La loi de la nature impose-t-elle aux enfants l'obligation de travailler pour leurs parents ? Réponse. Certainement, comme les parents doivent travailler pour leurs enfants. C'est pourquoi Dieu a fait de l'amour filial et de l'amour paternel un sentiment de nature, afin que, par cette affection réciproque, les membres d'une même famille fussent portés à s'entraider mutuellement. C'est ce qui est trop souvent méconnu dans votre société actuelle. Grand titre. Limite du travail, repos. Repère 682, question. Le repos étant un besoin après le travail, n'est-il pas une loi de nature ? Réponse. Sans doute, le repos sert à réparer les forces du corps, et il est aussi nécessaire afin de laisser un peu plus de liberté à l'intelligence pour s'élever au-dessus de la matière. Repère 683, question. Quelle est la limite du travail ? Réponse. La limite des forces. Du reste, Dieu laisse l'homme libre. Repère 684, question.